Chapitre 12. Au bloc. Toujours Chopin, au poste. JB se redressa très majestueusement. C'est nom de Dieu. Et fort de son droit, peut-on savoir le motif, messieurs les agents La nature revint au galop. Il se tordit comme un copeau de menuisier, très sûr de les ennuyer énormément. Mais les gens de police, toujours vaches devant l'être inoffensif, se rebiffèrent. Ivresse manifeste et publique, chant anarchiste, cri séditieux, et tu nous traites d'âne, de bourrique? Hi-han ! Attends un peu, ton compte est bon, mon père Chopin. C'était un sous-brigadier des brigades centrales, sorti peut-être des maisons idem, qui le menaçait ainsi, furieusement. Et ce fut vilain pour lui. Car tandis que ces hommes, brutes lâchées contre le monde, culbutaient, déshabillaient, assommaient JB, il reçut, lui, un maître coup de chausson dans les reins. Ça, c'était Bibi, le cadet des Chopins. Et il s'esquiva en douceur, entre les jambes des spectateurs, sans demander son reste. Le gradé de la Renacle, furieux, rebondit sur le grand Charles, l'apprenti bijoutier, l'aîné, qui, campé sur ses hanches, disait, menaçant, « Faudrait voir à laisser le daron tranquille, vous ! Hé, les pestailles, sans ça !» Et le geste était crâne, beau, éloquent. Le sous-brigadier sursauta, l'empoigna au collet. « Malheur !» fit le grand Charles. En un sec, le flic fut soulevé, retourné par l'arpète, l'attrape-science de 15 ans. La foule applaudit. C'était riche. Une mêlée générale s'ensuivit, comme de juste, entre populo et flicaille. Mais, finalement, la force resta à la loi et, comme aurait dit JB, « Au tas de salauds qui la représentent, nom de Dieu !» Toute la famille Chopin échoua au poste où se déchaîna la scène classique, immonde et lâche, du passage à tabac, tandis que le faubourg hurlait au dehors la nouvelle carmagnole. « On leur coupera la tête, vive le son, vive le son !»« On leur coupera la tête, vive le son du canon !» En attendant, Chopin, très digne, ronflait au violon, le nez dans le baquet. Le grand Charles payait pour lui. Il était littéralement débité en morceaux et gigotait ferme. Fifine geignait, affalée, tenant dans ses deux mains son ventre crevé d'un coup de botte, et Roculo était éborgné. Le reste était trépigné, et Bibi Chopin, esbigné, sauvé, comme toujours. Et là-haut, rue des Pyrénées, dans le logis du pauvre et bon pochard, l'enfant abandonné, la mignonne et délicieuse créature, s'éveillant dans le froid glacial qui avait envahi la chambre, se lamentait d'un gémissement doux et timide, sans fin, l'inexprimable plainte de l'agneau perdu, le vagissement si tendre de l'ange nouveau-né qui cherche sa mère. « Ta mère, tu n'en as plus, ô petite rose aimée des bas-fonds de Paris !»